Ouais. On va boire du blanc. On va danser longtemps. On va avoir chaud. On aura des cadeaux. On aura de la bière. On va descendre aux enfers. On va manger de la charcute. On vomira de la charcute. Ce soir c'est la fête et tout le monde danse. Ce soir c'est la fête, tout le monde en France. Ce soir c'est la fête et tout le monde danse. Ce soir c'est la fête, tout le monde en transe. On n'arrêtera pas de danser. On va tout démonter. On va se défoncer. On aura la répression des fraudes. On verra les contrôleurs fiscaux. On s'essuiera avec les impôts. On aura la répression des fraudes. Ce soir c'est la fête, tout le monde danse. Ce soir c'est la fête, tout le monde en transe. Ce soir c'est la fête et tout le monde danse. Ce soir c'est la fête, tout le monde en transe. Ouais. Vas-y comme ça. Un peu comme ça, c'est bien. Ce soir c'est la fête et tout le monde danse. Ich will das nicht, ich will gute Nacht. Ich liebe dich, das Schiff wird gekauft. Ich gebe nach Bonn, ich komm gleich hoch. Ich bin nach Hof und Hunde Saft. Deutschland macht, das will schön, das du nach.